Les allumes m'écoutent. Normal quand je rappe c'est trop street. Vu les marquades dans mon dos, je peux dire que ce pote avait de grosses griffes. Grosses pif, pour oublier quand ton gosse crie. Au quartier y'avait rien à faire, au fixe je leur ai fait faire de gros sprints. Entre potes c'est pire que des femmes, ça se jalouse, ça se donne des fausses pistes. Ça se critique et ça vient de faire des grosses bises. Passe plus les vitesses, au pire y'a les palettes fixes. Vitesse et casquettes lunettes dans le RS6. On est les BDH, les matérialistes. Et surtout faut pas oublier gros, on est les skips. Nique ta vidéo, je suis pas un Illuminati. J'ai juste eu les dents à la Tupac ou B.I.G. J'ai ma barrette et mon survêt dans le VIP. Si demain ça sent la pâte, t'as dit mon stop à qui. Je fais des sous, pas le temps de mettre mon cerveau sur bail. J'ai acheté un truc, des armes, j'ai l'impression qu'on me surveille. Je sens le hate, sans sa pitch, t'inquiète, c'est de la raye. Peut-être parano, mais quand je passe au quartier, je sens que c'est plus pareil. Ça dit plus bonjour, ça te fait signe de la main, c'est plus la même. Ça te calcule pas de l'année, après ça veut que tu l'amènes. Tu me rages, moi au moins je me regarde dans le miroir. Pour faire 2 euros, je ramassais les pièces rouges dans mon tiroir. Ils parlent de moi, mais je sais que ils me critiquent et me surveillent. Ils me rabaissent comme des chameaux. Que des comme des méchants mots. Nique-toi et tes vidéos. Moi j'ai juste pour les vidéos. Le jaloux m'écoute. Passez le bonjour à vos mamans. Là-bas vos lèvres ils ragent comme si de sa femme j'étais l'amant. J'ai de l'amour, normal je suis pas trop glamour. Soit skip tu m'en veux, skip tu me souhaites la mort. Je l'ai su récemment, ça sent que c'est mort. Moi on va tous mourir. Pourrais-tu venir la personne qui serait prête à te nourrir. J'en ai perdu le sourire. Comme si j'étais plus là. On me l'a tellement fait mon frérot que j'arrive même plus à souffrir. Le quartier a viré. C'est tout seul qu'on devient quelqu'un. Tout seul qu'on meurt. Tout seul qu'on apprend à tirer. C'est tout seul quand t'es en cellule. Tout seul quand t'as des problèmes. Tout seul comme si personne n'en avait rien à tirer. J'étais pas le désiré. Si je t'aime ou tu iras agirer. Je te prêcherai le mot pour avoir le vrai et voir comment tu réagirais. Je vais avoir du mal à digérer. Lui c'est pris pour un caïd depuis que le patron lui a dit de gérer. Ils parlent de moi mais je sais que ils me critiquent et me surveillent. Ils me rabaissent comme des chameaux. Que des comme des méchants mots. Nique-toi et tes vidéos. Moi j'ai juste pour les vidéos. Les jaloux m'écoutent. Les jaloux m'écoutent. Ils parlent de moi mais je sais que ils me critiquent et me surveillent. Ils me rabaissent comme des chameaux. Que des comme des méchants mots. Nique-toi et tes vidéos. Moi j'ai juste pour les vidéos. Les jaloux m'écoutent. Les jaloux m'écoutent. Et ouais. Les jaloux, c'est tu. Ils s'arrêtent plus. Ils sont là, donc ils se rappellent, ils viennent, ils rentrent chez eux. Moi je vais aller sur le mur à Joule, je suis petit et Joule. De Timo. Mange-moi le poireau, viens. Sur le grand padré à James. Que je vais tout niquer, les gars. Je vais tout niquer. Du Jules, barre de platine.